الحمد لله معز من أطاعه واتقاه مذل من خالف أمره وعصاه تقدست أسماؤه جل في علاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من توكل عليه كفاه ومن أقرضه أعطاه ومن فوض الأمر إليه هداه ومن اعتصم به نجاه وصدق الله في قوله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى رحمةً للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول والقلوب وفتح الله به أعيناً عمياء وآذاناً سما وقلوباً غلفاء اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين Toutes les louanges appartiennent à Allah. Est honoré celui qui l'aura suivi et celui qui lui aura obéi et craint. Est humilié et est rabaissé celui qui l'aura désobéi et celui qui ne l'aura pas suivi. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Quiconque place sa confiance en lui, Allah le suffit. Quiconque lui confie son sort, Allah le guidera. Quiconque s'accroche à lui, Allah le sauvera. Quiconque lui prête de bonne grâce, Allah lui rendra. Et certes, Allah a été véridique lorsqu'il nous dit « Alayhi Allahu bikafin abda » Allah ne suffit-il pas comme soutien à son serviteur ?« Wa yukhawifunaka billadhina min duni » Et il t'effraie avec ceux qu'ils invoquent en dehors de lui. « Wa man yudlilillahu fama lahu min had » Et quiconque Allah égare ne sera pas guidé. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلْ Et quiconque Allah guide, il ne sera point égaré. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ d'intiqam Allah n'est-il pas le puissant et le détenteur du pouvoir de châtier? Et je témoigne que notre prophète Muhammad est son serviteur et son messager. Allah l'a envoyé comme miséricorde au monde entier. Par sa cause et par son intermédiaire, il a ouvert des poitrines à l'islam. Il a illuminé des cœurs et des esprits. Et il a ouvert ainsi par sa cause des yeux qui ne voyaient pas, des oreilles qui n'entendaient guère, et des cœurs qui étaient plongés dans l'obscurité et les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées, et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde ta bénédiction à lui ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Ayyuha al-ikhwatu al-kiram, continuons nos propos et nos paroles en traversant les étapes vers la demeure dernière. Et ceci est notre 34e rencontre. Parmi les rencontres de cette noble série, Silsilatu Marahil Dar al-Akhirah, étape vers la demeure dernière. dans laquelle nous avons évoqué la jurisprudence funéraire Ahkam al-Janaiz et les signes de la fin du monde, petits comme grands, alamat al-sa'at al-kubra et al-sughra. Et lors de notre dernière rencontre, nous avions certes parlé du souffle de la résurrection, nafratul ba'th, à partir duquel les gens sortiront de leur tombe, de la façon avec laquelle ils sont morts, et dans la situation avec laquelle ils sont morts, et de la façon avec laquelle ils vécurent dans ce bas monde. Puis après cela, ayyuhal ikhwatul kiram, tout le monde sortira de leur tombe. Et les gens répondront alors à l'appel d'Allah Jalla wa Ala. Yawma idhi yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu. Ce jour-là, ils suivront le convocateur sans tortuosité. Fatawalla 'anhum. Yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur. Détourne-toi d'eux le jour où l'appeleur appellera à une chose affreuse et atroce. خُشَّعًا أَبَصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجِدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. Les regards abaissés, ils sortiront de leur tombe comme des sauterelles éparpillées. مُهْتِعِينَ إِلَى الدَّاعِ. Courant, le cou tendu, c'est-à-dire courant vers l'appel d'Allah Azza wa Jal. مُهْتِعِينَ إِلَى الدَّاعِ. Courant, le cou tendu. مهتعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. Les mécréants diront ce jour-là, voilà un jour difficile. Tout le monde sortira de sa tombe afin de se diriger vers la terre du rassemblement Ardil Mahshar. Afin de se diriger vers la terre du grand rassemblement Ardil Mahshar. Et afin de se tenir debout devant le Seigneur et le Créateur Tabaraka wa Ta'ala. Et afin qu'Allah les juge et qu'Allah les récompense, personne ne s'absentera alors. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Nous les rassemblerons sans en omettre un seul. Et Allah Jalla wa Ala nous dit, إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا. Tout ce qui est dans les cieux et dans la terre se rendra auprès de son Seigneur en tant que serviteur. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا. Il les a certes dénombrés et bien comptés. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Et tous se rendra auprès de leur Seigneur seul. Et ainsi, أيها الإخوة الكرام وأيها الأحباب, il nous faut vous avertir d'un sujet très important, un sujet que les musulmans doivent savoir, et en particulier طَلَبَةُ الْعِلْمِ, les étudiants de sciences religieuses, en ce qui concerne le rassemblement Al-Hashr. Ayyuha al-ikhwatul kiram, le rassemblement se décompose en quatre rassemblements. Quatre catégories de rassemblements. Deux rassemblements dans ce bas monde ad-dunya. Et deux rassemblements dans l'akhirah, dans l'au-delà. Quant aux deux rassemblements dans ce bas monde, quant au premier rassemblement dans ce bas monde ad-dunya, celui-ci a eu lieu à l'époque du prophète alayhi salat wa salam, lorsqu'il a fait émigrer les juifs de Bani Nadir à partir de l'Madinah jusqu'à la Syrie. Et la preuve en est ce que nous dit notre Seigneur Jalla wa Ala dans le Coran, هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. C'est lui qui a expulsé les gens du livre qui ne croyaient pas de leur maison lors du premier exode, lors du premier rassemblement. Quant au deuxième rassemblement, et Ibn Abbas radiallahu anhuma voit que ce rassemblement se passera en Syrie, et il a tiré et il s'est appuyé sur ce verset pour dire que le rassemblement se passera en Syrie. Et la science est auprès d'Allah Jalla wa Ala. Tel est le premier rassemblement dans ce bas monde ad-dunya. Quant au deuxième rassemblement dans ad-dunya, est celui que nous avons évoqué auparavant et que nous avons expliqué précédemment. Parmi les grands signes de la fin du monde, min alamati sa'ati al-kubra, qui nous ont été évoqués par Al-Habib al-Mustafa alayhi salat wa salam dans le hadith de Hudayfa ibn Asid al-Ghifari. Et le dernier des grands signes de la fin du monde est le feu qui sortira du Yémen et qui rassemblera les gens vers leur lieu de rassemblement. Tel est un rassemblement que nous avions précisé et expliqué dans le hadith rapporté par les deux recueils authentiques selon Abi Huraira, radiallahu an, où nous avions dit qu'ils seront rassemblés selon trois catégories, joyeux et effrayés. Naam. Tel est le deuxième rassemblement dans le dunya. Quant aux rassemblements qui se dérouleront dans l'au-delà, al-akhira. Le premier, ayu al-ikhwatul kiram, est le rassemblement qui se passera de la sortie des gens de leur tombe, al-qubur, vers la terre du rassemblement, ard al-mahshar. Et le deuxième rassemblement dans l'au-delà se passera de la terre du rassemblement, ard al-mahshar, vers leur destination éternelle, soit vers le paradis, al-jannah, soit vers l'enfer, al-nar. Et notre discours aujourd'hui, bi-idnillahi jalla wa ala, par la permission d'Allah azza wa jal, concernera le premier rassemblement qui aura lieu dans l'au-delà, al-akhira, à savoir de la sortie des gens de leur tombe, al-qubur, vers la terre du rassemblement, ard al-mahshar. Et la manière avec laquelle ce rassemblement se passera. Et en vérité, il n'est pas bon d'utiliser tous les versets et tous les hadiths qui parlent sur ce rassemblement. Car il y a quelques versets et hadiths qui sont spécifiques pour le premier rassemblement, c'est-à-dire de la sortie des gens de leur tombe à la terre du rassemblement Ard al-Mahshar, et d'autres versets et d'autres hadiths qui sont spécifiques au fait que lorsqu'ils partiront de la terre du rassemblement au paradis et à l'enfer. Et ainsi, le demandeur de science se doit d'être attentif à cela. Notre discours aujourd'hui, ayu al-ikhwa, concernera alors le premier rassemblement, qui est le regroupement des gens lorsqu'ils sortiront de leur tombe, lorsqu'ils sortiront de la terre, vers la terre du rassemblement ard al-mahshar, afin d'être jugés par Allah, et afin d'être récompensés par Allah, jalla wa ala, wastami' yawma yunadi al-munadi min makanin qarib, yawma yasma'una sayhata bil-haq, ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير. Et sois à l'écoute le jour où le crieur criera d'un endroit proche, le jour où ils entendront en toute vérité ce cri, tel est le jour de la résurrection, c'est nous qui donnons la vie et qui donnons la mort. Et vers nous sera la destination, le jour où la terre se fendra, les rejetant précipitamment, ce sera un rassemblement facile pour nous. Le jour où le crieur d'un endroit proche, le jour où l'appeleur appellera d'un endroit proche, et il s'écriera alors et il dira, ô ossements effrités, ô cœur vidé, ô ligaments déchirés, ô ossements pourris, ô linceul détérioré, ô corps décomposé, aux yeux désorbités, levez-vous devant Allah Jalla wa Ala. Levez-vous afin d'être jugé devant le Seigneur du ciel, des cieux et de la terre. Levez-vous afin d'être jugé par le roi et le juge des juges, tabaraka wa ta'ala. Tout le monde se lèvera alors. Tout le monde sera dirigé alors vers Ard al-Mahshar, vers la terre du rassemblement. Comment seront-ils dirigés? Comment seront-ils conduits? Isma', écoute, l'imam Ahmed, ou l'imam al-Tirmidhi, rapporte avec un hadith qui a été jugé bon par l'imam al-Tirmidhi et également jugé bon par Ahmed Shakir rahimahullah. Selon Abi Huraira radiallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les gens seront rassemblés le jour du jugement selon trois catégories. Les gens seront rassemblés le jour du jugement selon trois catégories. Une catégorie marchant. Une deuxième catégorie sur une monture. Et une troisième catégorie marchant sur leur visage. Et alors les compagnons as-sahabatu radiallahu anhum dirent, Ya Rasulallah, comment pourront-ils marcher sur leur visage? Comment pourront-ils être rassemblés sur leur visage? Et alors al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam leur répondit, celui qui les a fait marcher sur leurs pieds dans ce bas monde ad-dunya est capable de les faire marcher sur leur visage fil akhirah. Les gens seront rassemblés alors. Puis il nous dit, alayhi salat wa salam, ils éviteront alors avec leur visage tout relief et toute épine. Les gens seront alors rassemblés selon trois catégories. Et nous ne savons pas à quelle catégorie tu appartiens, ayu al-akh. Ils seront rassemblés selon trois catégories. Une première marchera. Ils marcheront à pied. Et une deuxième sur une monture. Mais sur quoi monteront-ils? Écoute, الله جل وعلا ندي يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. Le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures auprès du tout miséricordieux. Quelles sont ces montures? Regardez ce que nous dit Abdallah, le fils d'Al-Imam Ahmed, qui nous rapporte un hadith dans le mousnad de son père. Rahimahumallah. Selon le compagnon du nom de Nu'mayn ibn Sa'id radiallahu anhu. Celui-ci nous dit, nous étions assis en présence de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui un jour récita la parole d'Allah Jalla wa Ala, وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدَى. Le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures auprès du tout miséricordieux. Puis il nous dit, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, non, par Allah, ils ne marcheront pas à pied, car le mot wafda n'est utilisé que pour monter sur une monture. Et certes, ils monteront sur des chameaux jamais vus auparavant, leur selle sera en or. Et ils monteront sur ces chameaux jusqu'à arriver et frapper aux portes du paradis. Ils monteront sur des chameaux jamais vus auparavant, ayyuhal ikhwa. Leur selle sera en or. Et ils monteront jusqu'à arriver aux portes du paradis, al-jannah. Et ceci est l'interprétation d'un compagnon. Ceci est l'interprétation de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui ne peut être considéré comme une preuve que si ce compagnon ne fait pas d'effort d'interprétation personnelle ijtihad et ne prend pas des récits de Benou Israël. Et ainsi ce compagnon et la parole qu'il a dit a été considérée comme une preuve et a été élevée au prophète alayhi salatu wassalam. Car c'est une parole qui parle sur le monde invisible, al-ghayb. Et donc cette parole a été élevée au prophète, alayhi salatu wassalam, et on dit qu'elle est marfoua. Et ainsi, les gens seront ressuscités, et les gens seront rassemblés le jour du jugement selon trois catégories. Une catégorie marchant, et une deuxième montant sur des montures, montant sur des chameaux, dont seul Allah Jalla wa Ala connaît les caractéristiques. Leur monture sera en or. Et si nous disons, qui est-ce qui montera sur ces montures? Qui est-ce qui aura l'honneur de monter sur ces chameaux? Innahum al-muttaqoon, innahum al-muqarraboon, innahum awliya'ullah jalla wa ala. Tels sont les pieux, tels sont les rapprochés d'Allah, et tels sont les bien-aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceux à qui Allah jalla wa ala a promis qu'il les sauvera, à qui Allah jalla wa ala a promis qu'ils seront épargnés, et qu'ils seront en paix, et qu'ils seront épargnés de tous les sursauts et de toutes les frayeurs du jour de la résurrection. Regardez ce qu'Allah nous dit. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. En vérité, certes, les bien-aimés d'Allah n'auront pas peur et ne seront point affligés, ceux qui croyaient et qui craignaient Allah. Et Allah nous dit également: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner la place du paradis, nul et aucun mal ne les touchera, et ils ne seront point affligés. Ainsi certains seront rassemblés en marchant, et d'autres seront rassemblés sur des montures, et les derniers, ayyuhal ikhwa, seront rassemblés sur leur visage. Ala wujuhihim, seront rassemblés sur leur visage. Et alors les compagnons dirent, ya Rasulallah, mais comment pourront-ils marcher sur leur visage? Car ayyuhal ahbab, les lois physiques de l'au-delà diffèrent des lois physiques de ce bas monde. Alors ne réfléchis pas et ne t'imagine pas. Les lois physiques de l'au-delà, al-akhirah, se distinguent totalement des lois physiques de ce bas monde. Et ainsi ils seront rassemblés sur leur visage. Et alors les compagnons s'étonnèrent et dirent à Rasulallah, comment pourront-ils être rassemblés et marcher sur leur visage? Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam leur dit, celui qui les a fait marcher sur leurs pieds dans le dunya est capable de les faire marcher sur leur visage dans l'akhira. Et alors ils éviteront avec leur visage tout relief et toute épine. Na'am ayyuhal ikhwa, imagine-toi ya Abdallah, ils seront rassemblés alors en train de ramper comme des serpents et comme des reptiles, mais sur leur visage. Ils seront conduits de force vers la terre du rassemblement, Ardil Mahshar, en évitant avec leur visage toute bosse et toute épine, toute pierre et toute épine, et tout obstacle. Les peaux se déchireront alors, et le sang coulera alors, et la douleur et la souffrance s'intensifiera alors. Qu'Allah nous préserve de leur situation, احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. Rassemblez les injustes avec leurs pères et ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah. فاهدوهم الى صراط الجحيم. Puis conduisez-les au chemin de la fournaise. وقفوهم et arrêtez-les. انهم مسؤولون. Ils seront questionnés. ما لكم لا تنصرون. Pourquoi ne vous portez-vous pas secours les uns les autres? احشروا الذين ظلموا وازواجهم. Rassemblez les injustes ainsi que leurs pères, c'est-à-dire ainsi que leurs semblables, ainsi que leurs couples. Pourquoi? Car les gens seront rassemblés selon ce qu'ils faisaient. L'ingrat sera rassemblé avec l'ingrat, et le mécréant el-kafir avec le mécréant, et l'hypocrite avec l'hypocrite, et le rebelle avec le rebelle, et l'orgueilleux avec l'orgueilleux. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Et lorsque les âmes seront accouplées, et seront groupées par père et par couple et par semblable. Naam, ils seront tous rassemblés à Allah tabaraka wa ta'ala. Et nul n'échappera à Allah jalla wa ala. Fa innama hiya zajaratun wahida. Fa idahum bis sahira. Une seule secousse, ayol ikhwa. Et ils seront ressuscités debout devant Allah. Fa innama hiya zajaratun wahida. Fa idahum yanzurun. Une seule secousse, et les voilà qu'ils regardent. Naam, ayol ikhwa tul kiram. Ils seront tous rassemblés à Allah azza wa jalla. Et même les bestiaux seront rassemblés, même les animaux seront rassemblés à Allah, selon la parole la plus probable des savants. Regardez ce que nous dit notre Seigneur et Azza wa Jal. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Et il n'y a pas une bête sur la terre, ni un oiseau qui vole de ses ailes, sans qu'il ne soit en communauté comme vous. Nous n'avons rien omis de consigné dans le livre, puis ils seront rassemblés devant leur Seigneur. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Lorsque les bestiaux seront rassemblés, et Allah nous dit également, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ. Parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et ce qu'il y a disséminé comme bestiaux. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Et quant à leur rassemblement, il est capable s'il le veut. Et les savants ont dit que lorsqu'Allah Jalla wa Ala emploie la préposition إِذَا, cela signifie qu'il est obligé et qu'il le fera obligatoirement. Ainsi il ressuscitera les bestiaux et les animaux. Et ainsi les animaux et les bestiaux seront rassemblés devant Allah Azza wa Jal. Et telle est la vie de Ibn Abbas radiallahu anhuma, et de Abi Dar, et de Abi Huraira, et de Amr ibn al-As, et de Hassan al-Basri, et de l'imam al-Qurtubi, et de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahumullah. Que la parole la plus probable est que les bestiaux et les animaux seront rassemblés devant leur créateur tabaraka wa ta'ala, jusqu'à ce que Ibn Abbas radiallahu anhuma nous dise qu'Allah ressuscitera et rassemblera même les mouches à Dubaï. Même les mouches seront rassemblées devant Allah, afin que soient jugées toutes les créatures, et afin que l'injuste al-zalim paye et soit récompensé de l'injustice qui a touché celui qui l'a subi. Imagine-toi, ya Abdallah, en train de sortir de ta tombe, regarder à ta droite et à ta gauche, répondre à l'appel d'Allah, ya Azza wa Jal. Imagine-toi, ya Abdallah, sortir de ta tombe, apercevoir alors les gens, parmi eux celui qui marche, parmi eux celui qui est sur une monture, parmi eux celui qui marche sur son visage. Imagine-toi, ya Abdallah, apercevoir alors les bestiaux et les animaux et les insectes être rassemblés devant leur Seigneur et devant leur Créateur, Jalla wa Ala. Imagine-toi ces animaux et ces bestiaux, apeurés et effrayés. Et imagine-toi apercevoir les anges et les malaïka pousser les gens de part et d'autre vers la terre du rassemblement Ard al-Mahshar. Et alors, c'est alors que tu vois une autre catégorie de personnes. Ala, wahum, ce sont des personnes, ayo al-ikhwa, qui seront rassemblés avec qui? Ils ont avec eux ash-shayatin. Ils ont avec eux des diables qui sont rassemblés avec eux. Na'am. Regardez ce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ. Et par ton Seigneur, nous les rassemblerons avec les diables. Qui sont ceux qui seront rassemblés avec les diables, ayyuha al-ikhwa? Qui est-ce qui jure? Allah Jalla wa Ala. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ. Na'am, ayyuha al-ikhwa. Car celui qui aura adoré al-shaytan en dehors d'Allah et Azza wa Jal sera rassemblé par celui par le shaytan qu'il adorait en dehors d'Allah. Et celui qui obéissait shaytan en dehors d'Allah Jalla wa Ala sera rassemblé par le shaytan qu'il adorait et qu'il obéissait en dehors d'Allah. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Et nous les rassemblerons et nous en oublierons aucun. Et est-ce que vous savez alors comment les gens seront rassemblés et dans quel habit ils seront rassemblés, ayo al-ahbab? Et wallahi, nous serons rassemblés, ayo al-muslimoun, d'une façon étonnante et étrange. Et wallahi, nous serons rassemblés d'une façon gharib wa ajib. Écoute, al-imam al-Bukhari, ou al-imam muslim nous rapporte un hadith selon Aisha radiallahu anha. Le messager d'Allah alayhi salat wa salam nous dit, les gens seront rassemblés le jour du jugement, pieds nus, entièrement nus et non circoncis. Les gens seront rassemblés le jour du jugement, pieds nus et entièrement nus et non circoncis. Pieds nus, c'est-à-dire sans chaussures, sans sandales, sans chaussons, sans chaussettes, pieds nus, entièrement nus, c'est-à-dire sans habits et sans vêtements, dénudés et déshabillés, circoncis, na'am. Allah Jalla wa ala ayyu al-akh te rendra ce bout de peau. Comme nous avons débuté la première création, nous la répéterons. C'est une promesse qu'il nous incombe. Et certes, nous l'accomplirons. Les gens seront rassemblés le jour du jugement, pieds nus, entièrement nus et non circoncis. Et alors Aïcha radiallahu anha s'étonna de cette parole. Les gens seront rassemblés sans habits, ni couverture, ni voile, ni vêtements. Les peaux seront dénudées, les parties intimes seront dévoilées, les gens se verront les uns les autres. Et alors, Siddiqatu bintu Siddiq, Aïcha, radiallahu anha, la véridique fille du véridique, et la chaste fille du chaste, et la pudique fille du pudique, bintu Abi Bakrin, radiallahu anha, questionna alors Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, ya Rasulallah, tous les hommes et toutes les femmes se verront alors ensemble, et ils se verront les uns les autres. Tous les hommes et toutes les femmes seront ensemble et se verront les uns les autres. Et alors Al-Habib Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, il lui répondit sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment ils seront plus préoccupés que de s'intéresser à cela. La ilaha illallah, à ce moment là ils seront plus préoccupés que de s'intéresser à cela. Ayol ikhwa, à ce moment là les gens seront plus préoccupés de leurs actions et de leur jugement et de leur situation que de s'intéresser à voir les uns les autres, que de s'intéresser à regarder les parties intimes des uns des autres. Na'am ayol ikhwa, la situation sera plus difficile et plus énorme et plus dangereuse et plus préoccupante et plus inquiétante et plus effrayante que de regarder les parties intimes des gens. À ce moment ils seront plus préoccupés que de s'intéresser les uns les autres. Tu seras ressuscité nu, ô toi qui réunissais al-haram. Tu seras ressuscité nu, ô toi qui t'habillais d'al-haram. Tu seras ressuscité pieds nus, ô toi qui amassais et qui rassemblais les richesses. Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum wa risha, wa libasu taqwa dhalika khayr, dhalika min ayati Allahi la'allahum yadhakkaroun. Ô fils de Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que vos parures. Mais certes, le vêtement de la piété est meilleur pour vous. Certes, le vêtement de la piété est meilleur pour vous. Et c'est un des signes de la puissance d'Allah afin qu'il se rappelle. وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابًا مِنَ التُّقَى تَجَرَّدَ عُرْيَانًا وَلَوْ كَانَ كَاسِيًا. Et si la personne ne s'habille pas de l'habillement et du vêtement de la piété, elle sera certes nue, même si elle était habillée. Les gens seront rassemblés alors le jour du jugement, pieds nus et entièrement nus et non circoncis. Ils seront rassemblés à Allah et ils seront ramenés à Allah sans qu'aucun ne s'absente, dans les deux recueils authentiques. Selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, vous serez rassemblés à Allah pieds nus, entièrement nus, non circoncis. « Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. » Comme nous avons commencé la première création, nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et ainsi nous l'accomplirons. Puis il nous dit, alayhi salat wa salam, et celui qui sera le premier à être habillé parmi l'humanité tout entière sera Ibrahim alayhi salat wa salam. Et le hadith est rapporté dans les deux recueils de l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Celui qui sera le premier à être habillé parmi l'humanité entière sera Ibrahim alayhi salat wa salam. Pourquoi? Al-Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullah nous a cité trois causes édictées par les savants. La première cause, ayol ikhwa, qui nous prouve le fait que Ibrahim alayhi salam soit le premier à être habillé le jour de la résurrection. Et qu'il était celui qui avait le plus peur d'Allah et c'était celui qui était le plus craintif. Et le jour du jugement aura été bien choisi pour qu'il soit récompensé par cela et qu'il soit habillé. La deuxième cause qui a été dite par certains gens de science, car Ibrahim alayhi salam a été le premier à recevoir l'ordre de porter des pantalons pendant la prière derrière le vêtement, afin de cacher les parties derrière le vêtement. Et ainsi, lorsqu'il s'est soumis à l'ordre de son Seigneur, Allah Jalla wa Ala le récompensera le jour du jugement à être habillé le premier. Et la dernière cause qui a été dite par les savants est que lorsque le peuple de Ibrahim alayhi salam l'a jeté dans le feu et a désiré le jeter dans le feu, il a été déshabillé et ils lui ont enlevé ses habits afin de le jeter dans ce feu. Et Allah Jalla wa Ala l'a sauvé dans ce bas monde et le récompensera le jour du jugement afin qu'il soit habillé le premier le jour du jugement. Et après que Ibrahim soit habillé alayhi salat wa salam, on habillera le prophète alayhi afdalu salati wa aska taslim sallallahu alayhi wa sallam, et on l'habillera et on lui apportera la meilleure des parures et le meilleur des vêtements que nul ne méritera à part lui. Même Ibrahim alayhi salam, comme nous dit le savant Al-Halimi rahimahullah ta'ala dans sa réponse dans l'habillement effectué après Ibrahim. Ainsi, ayo al-ikhwatul kiram, nous serons rassemblés auprès d'Allah et Azza wa Jal dans cette terre du rassemblement Ardil Mahshar. Lorsque tout le monde sera emmené vers cette terre, ayo al-ikhwa, les gens regarderont alors à leur droite et à leur gauche. Ils regarderont l'état des gens, ils regarderont l'état des serviteurs d'Allah, ils regarderont les créatures et les anges, ils regarderont tous, mais ils remarqueront alors soudainement, et ils verront alors une création, et ils verront alors des gens étranges, yo Allah, ils verront une catégorie de personnes de petite taille et de petite valeur, rabaissées, humiliées, rabaissées devant leur Seigneur, et humiliées devant les gens, piétinées par les pieds des gens, qui sont-ils, ayo al-ikhwa, innahumul mutakabbirun. Tels sont les orgueilleux, tels sont les tyrans, tels sont ceux qui se sont enorgueillis sur Allah et Azza wa Jal, tels sont ceux qui se sont enflés d'orgueil sur les serviteurs d'Allah et Jalla wa Ala. Ils seront ressuscités, ayo al-ikhwa, et ils se retrouveront dans la terre du rassemblement Ardil Mahshar, piétinés par les gens, humiliés et rabaissés. Regardez ce que nous dit Al-Habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et par l'imam al-Nasa'i, selon le compagnon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père. Al-Habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, les orgueilleux, al-mutakabbiroun, seront ressuscités le jour du jugement, tels des fourmis à l'apparence d'un homme. Tels des fourmis à l'apparence des hommes. Leur honte leur viendra de toutes parts. Et le feu sera au-dessus d'eux. Et ils seront emmenés alors dans une prison de feu, dans le feu de Nar ou Jahannam. Cette prison s'appellera Boules. Et ils seront abreuvés du pu et de la transpiration et de la sueur des gens de l'enfer. Naam ayol ikhwa. Voilà comment seront rassemblés Al-Mutakabbiroun, les orgueilleux, ceux qui se sont enorgueillis envers Allah, ceux qui se sont enflés d'orgueil sur les créatures d'Allah, ceux qui auront dénigré la vérité Al-Haq, ceux qui auront méprisé les gens, ceux qui se seront enflés d'orgueil, ceux qui se sont montrés injustes et tyrans envers les gens. Naam, jaza'an wifaqa, telle est une rétribution équitable. Ils seront rassemblés dénigrés, et ils seront rassemblés honteux, et ils seront rassemblés humiliés, et rabaissés à Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, car les balances al-mawazin, les balances dans l'akhirah sont différentes. Naam ayol ikhwa, ceux qui auront refusé la vérité, et ceux qui auront dénigré les gens, ils seront rassemblés, piétinés par les gens. Et piétinés par les pieds des gens, on ne fera même pas attention à eux. Et ils seront alors écrasés par les gens. Et leur cou se pliera alors. Naam, walillahi alhamd. Et les louanges appartiennent à Allah Jalla wa Ala. Puis, ayol ikhwatul kiram, nous allons parler des caractéristiques de la terre du rassemblement Ardul Mahshar. À quoi ressemble-t-elle, ayol ikhwa? Cette terre est totalement différente de la terre de Dunya. La terre du rassemblement Ardul Mahshar se distingue totalement de la terre de Dunya dans sa nature et dans son origine et dans son ordre. Et ses lois diffèrent également. Toutes les lois injustes que vous voyez dans la terre de Dunya tomberont alors et disparaîtront alors et seront anéanties alors, et restera et demeurera la loi d'Allah Azza wa Jal. Cette loi qui a comme pour devise « Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra ». وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. Certes Allah ne trompe personne, fût-ce d'un poids d'un atome, et lorsqu'il trouve une bonne action, il la double et il accorde une grosse récompense de sa part. Cette loi qui a comme pour devise وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Certes ton Seigneur n'est point injuste envers ses serviteurs. Ainsi la terre de leur rassemblement Ardul Mahshar se distingue totalement de la terre de Dunya. Regardez ce qu'Allah nous dit. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ. Le jour où la terre sera remplacée par une autre terre, et ainsi que les cieux, et les gens comparaîtront alors devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Dans les deux recueils authentiques selon Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, les gens seront rassemblés le jour du jugement sur une terre blanche et rosâtre, telle du pain propre. Sur une terre blanche et rosâtre, il n'y aura aucun drapeau d'aucune personne. Il n'y aura aucun drapeau d'aucune personne. Que signifie cela? C'est-à-dire que nous serons rassemblés, ayyuha al-ikhwa, et personne aucun n'aura un drapeau tenu par quelqu'un. Ainsi, il n'y aura rien, ayyuha al-ikhwa, ni arbre, ni pierre, ni château, ni construction, ni demeure, ni poteau, ni pilier, ni montagne, afin que personne ne pense pouvoir échapper et se cacher d'Allah Azza wa Jalla. Une terre plate, ayyuha al-ikhwa, où personne et où tout le monde sera dévoilé à Allah. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté ce jour-là? À Allah l'unique et le dominateur suprême. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Ce jour-là vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, la terre où Allah rassemblera ses serviteurs, Ardul Mahshar, afin de les juger, sera une terre comparable exactement à la couleur de l'argent Al-Fidda. Aucun sang sacré n'aura été déversé. Et aucun péché n'aura été commis. Afin qu'Allah, Jalla wa Ala, juge ses serviteurs sur cette terre. Et lorsqu'ils arriveront alors à cette terre du rassemblement, Ardul Mahshar, ayyuha al-ikhwa, tous, humains, djinns, animaux, Shayatin, lorsque tout le monde aura atteint la terre du rassemblement Ardil Mahshar, à cet endroit ils resteront, ils demeureront, et ils attendront Allah Jalla wa Ala, ils attendront Malik al-Muluk Tabaraka wa Ta'ala. Et ce jour, ayyuha al-ikhwa, ne sera pas un jour comme les autres. C'est un jour dont la durée est de 50 000 ans, avec le compte d'Al-Akhirah, le compte de l'au-delà et non de Dunya. Ce sera le compte d'Allah et Azza wa Jal et non notre compte. Le jour auprès d'Allah équivaut à 1000 ans que vous comptez. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, Allah Jalla wa Ala rassemblera al-awwalin wal-akhirin, les premiers et les derniers en un jour connu. Ils seront debout pendant 40 ans. Leurs yeux regarderont vers le ciel, ils attendront le jugement al-hisab. Ils seront debout pendant 40 ans. Leurs yeux regarderont vers le ciel et ils attendront le jugement al-hisab. Imagine-toi, ya Abdallah, ils resteront alors dans cette situation 40 années, attendant qui? Allah Jalla Jalalu, ni sommeil, ni nourriture, ni boisson, ni repos. Non, mais ce sera que de l'inquiétude et que de l'effroi et que du désarroi et que de la préoccupation. Et à ce moment-là, Allah Tabaraka wa Ta'ala Jalla Jalalu ordonnera à un soleil autre que le soleil de Dunya de se rapprocher de la tête des créatures. Il ordonnera à un soleil autre que le soleil de Dunya de se rapprocher des têtes des créatures. Comme ceci a été rapporté dans le recueil authentique de l'imam muslim. Selon Al-Miqdad ibn Aswad radiallahu anhu, Al-Miqdad ibn Aswad radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, le soleil se rapprochera des gens le jour du jugement jusqu'à ce qu'il arrive à une distance d'un mile. Puis les gens seront plongés dans une sueur suivant leurs actions. Ce soleil se rapprochera alors des têtes des créatures dans la terre du rassemblement Ardil Mahshar d'une distance d'un mile environ. Et seul Allah Jalla wa Ala connaît cette distance. Ce soleil se rapprochera d'eux, mais il ne les brûlera pas. Il ne les brûlera pas, car les corps, comme l'ont dit les savants et les ulama, seront dotés d'une résistance plus grande que dans cette vie ad-dunya. Car nous savons que ce soleil, s'il se rapproche d'un centimètre de la créature, ou bien d'un centimètre de la terre, l'ard, cette terre brûlerait. Mais dans l'au-delà, les lois physiques diffèrent. Comme nous l'avons dit, mais dans l'au-delà, les lois physiques sont différentes et se distinguent. Le soleil se rapprochera alors, par l'ordre du roi Jalla Jalalo, des têtes des créatures d'une distance d'un maille. Les gens transpireront alors. Et les gens seront plongés dans une sueur alors. Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam nous dit, il leur sera proche alors d'un maille. Les gens seront plongés dans une sueur selon leurs actions. Il y en a qui auront de la sueur jusqu'à leurs chevilles. Et il y en a qui auront de la sueur jusqu'à leurs genoux. Il y aura qu'ils seront plongés dans leur sueur jusqu'à leur ceinture, et d'autres jusqu'à leur taille, et d'autres jusqu'à leur bouche, comme et puis il fit le signe vers la bouche, le prophète alayhi salat wa salam, et dans les deux recueils authentiques selon Abi Huraira, Al-Habib al-Mustafa alayhi salat wa salam nous dit, les gens transpireront le jour du jugement jusqu'à ce que leur sueur atteigne 70 coudées, jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs oreilles. Et lorsque le prophète alayhi salat wa salam récita la parole d'Allah, يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers, il dit, certains se tiendront debout et leur sueur atteindra leurs oreilles. Et le hadith est rapporté dans les deux recueils authentiques selon Ibn Umar radiallahu anhuma. Les gens se tiendront ainsi, ayyuhal ikhwa, de cette façon, avec la grande bousculade et la longue attente, et le soleil proche avec ce soleil brûlant et une respiration brûlante des gens. Le cas des gens et la situation des gens deviendra alors difficile et deviendra alors douloureuse et souffrante et dangereuse. Ils sueront alors et ils transpireront alors jusqu'à ce que leur sueur recouvre la surface de la terre, chacun selon ses actions et leur degré auprès d'Allah et Azza wa Jal. Tout le monde criera alors ce jour-là, nafsi, nafsi. Tout le monde criera ce jour-là, nafsi, nafsi. Mon âme, moi-même, moi-même, nafsi, nafsi, au point, ayyuhal ikhwa, au point, ayyuhal muslimoun, au point où le mécréant, el kafir, dira ce jour-là, oh mon Seigneur, fais-moi entrer en enfer. Oh mon Seigneur, fais-moi entrer en enfer, car il ne supportera pas cette attente, car il ne supportera pas cette douleur. Mais malheureux, tu ne sais pas ce qui t'attend dans le feu de l'enfer, wal'iyadu billah. Imagine-toi, ya Abdallah, ton âme se resserrait dans ta poitrine, la sueur montait, l'inquiétude et la préoccupation te touchaient. Tu regardes alors avec le reste des créatures, attendant le jugement al-hisab, attendant de rentrer soit dans la maison d'as-sa'ada, le bonheur, soit dans la maison d'as-shaqa, le malheur. Et Allah Jalla wa Ala nous dit, يَوْمَ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضِ ولا يكتمون الله حديثا ويود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. Les gens qui ont mécru et qui ont désobéi au messager souhaiteront ce jour-là que la terre fût nivelée sur eux, mais ils ne pourront cacher aucune parole à leur Seigneur. نعم يا الإخوة الكرام يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains en disant, hélas pour moi, si seulement j'avais suivi un chemin avec le messager, hélas pour moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'a en effet égaré du rappel lorsqu'il m'est parvenu. Et certes, Shaytan est pour l'homme, il déserte pour l'homme après l'avoir tenté. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adhab yawm idin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, ou bien sa compagne, ou bien son frère, et même son clan qui lui donnait asile, ou bien tout ce qui est sur la terre qui pourrait le sauver. Kalla innaha lada nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla. Mais rien ne le sauvera. L'enfer est un brasier, arrachant brutalement la peau du crâne, il appellera celui qui tournait le dos et qui s'en allait. تدعو من أبدبر وتولى. Il appellera ainsi celui qui tournait le dos et qui s'en allait, qui se détournait de la religion d'Allah, qui s'enorgueillissait devant les ordres du Seigneur de l'univers. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Et qui emmagasinait, qui amassait les richesses Naam, il amassait l'argent et il ne donnait pas ce qu'il devait donner aux pauvres. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. Je demande à Allah جل وعلا par ses noms parfaits, ses attributs sublimes qu'il nous dissimule nos péchés sur terre, sous terre et le jour de la résurrection. إنه ولي ذلك والقادر عليه. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et en tenant ses propos, j'implore à Allah son pardon pour moi ainsi que pour vous. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام, c'est comme cela que nous serons rassemblés vers la terre du rassemblement, أرض المحشر, devant Allah جل وعلا, comme nous l'avons décrit auparavant. Et il restera alors sur la terre du rassemblement, et les gens resteront sur la terre du rassemblement 40 années, avec le compte d'Allah تبارك وتعالى. Ils ne feront qu'attendre le jugement, al-hisab, et rien d'autre. Les gens seront alors plongés dans le désarroi. Et les gens seront alors plongés dans l'effroi et dans la peur et dans la crainte. Ils pleureront alors. Et ils crieront alors. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَتِرَانٍ وَتَخْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ. Ce jour-là, tu verras les coupables enchaînés les uns aux autres. Leurs tuniques seront faites de goudron, et leur feu et le feu couvriront leurs visages. Commenceront les gens à Yolichwa, et nous n'avons pas encore commencé les propos et les paroles sur le jugement al-Hisab. Tout cela n'est pas encore évoqué et cité. Nous parlons aujourd'hui de la situation et de l'état des gens sur la terre du rassemblement Ardin Mahsha. Maintenant ils se sont arrêtés, et maintenant ils se sont rassemblés dans cette terre, montant sur des chameaux, ou bien à pied, ou bien sur leur visage. Et à ce moment-là, tout le monde est arrêté. Tout le monde s'est arrêté de se déplacer et se trouve sur la terre du rassemblement. Et alors tu apercevras sur la terre du rassemblement, des gens qui se feront attraper par des serpents, qui les étrangleront et qui les mordront, et dans lesquels ils injecteront leur poison. Savez-vous ce qu'ils sont? Tels sont ceux qui n'ont pas donné leur zakat. Tels sont ceux qui n'ont pas voulu donner leur aumône obligatoire. Ce sont ceux qui n'ont pas donné az-zakat et qui se sont montrés avares envers l'obligation d'Allah Azza wa Jal. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela bon pour eux. Au contraire, cela est mauvais pour eux. Le jour de la résurrection, on leur attachera autour de leur cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. Et c'est à Allah qu'appartient l'héritage des cieux et de la terre. Et certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: celui à qui Allah a donné de l'argent et n'a pas donné la zakat aura le jour du jugement autour de lui un serpent affreux et horrible avec deux crocs. Il le serrera et l'étranglera, et dans une autre version, il lui injectera de son venin. Ce sera un serpent mâle qui le serrera et il lui injectera de son venin, et il lui mordra en lui disant: ana maluk, ana kanzuk. Je suis ta richesse, je suis ton trésor. Je suis l'argent que tu as amassé. Je suis ton argent que tu as emmagasiné. Je suis l'argent que tu n'as pas donné aux pauvres. Deux souffrances lui seront alors réunies, une souffrance physique et une souffrance psychologique. Ils ont interdit, ils ont refusé l'obligation d'Allah Azza wa Jal. Ils ont interdit, ils ont refusé la zakat, l'aumône obligatoire. Et ils se sont montrés avares et radins envers l'aumône obligatoire az-zakat. Comment seront-ils? Les serpents les encercleront, et les serpents les étrangleront, et les serpents les serreront. Et voilà un autre homme sur la terre du rassemblement. Tu le vois désespéré, pris et encerclé par des pièces et des billets de feu. Celui-ci est également celui qui n'a pas donné al-zakah, l'aumône obligatoire. Ceci est une deuxième souffrance pour celui qui n'a pas donné al-zakah, l'aumône obligatoire, ayyuhal ikhwa. Dans un hadith rapporté par l'imam muslim selon Abi Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: pas un possesseur d'or ou d'argent n'acquittant pas ce qu'il en doit, sans que le jour du jugement, on ne le plaque entre deux plaques de feu, et on le transportera comme cela vers le feu de l'enfer. Et son visage et son dos seront ainsi. Chaque fois qu'il refroidira, on recommencera en un jour aussi long que 50 000 années, jusqu'à ce que tous les gens soient jugés, puis il ira soit au paradis, soit en enfer. Voilà ce qui en est de l'état de celui qui aura refusé de donner al-zakah, l'aumône obligatoire, ayyuhal ikhwa. Et alors qu'en est-il de celui qui s'est montré avare de la science islamique? Qu'en est-il de celui qui s'est montré radin de cette science qu'il possédait et qu'Allah lui a donnée? Écoute, ayyuhal ikhwa, tu l'apercevras fi ard al-mahshar, le jour du jugement, avec dans sa bouche une bride de feu. Il sera, regardez le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et l'imam al-Tirmidhi. Selon Abi Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: celui qui fut questionné sur une science et qu'il la cacha sera bridé le jour du jugement avec des brides de feu. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. Ceux qui sont avares et qui ordonnent l'avarice et qui cachent ce qu'Allah leur a donné par sa grâce. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Lorsqu'Allah a pris de ceux auxquels le livre a été donné, c'est-à-dire aux gens du livre, lorsqu'il leur a pris de leur part un engagement, exposez le livre aux gens et ne le cachez pas, mais ils l'ont jeté derrière leur dos et ils l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait. Ceux qui ont caché leur science, ayyuhal ikhwa, et le fait de cacher la science est interdit, excepté le cas où il y a un intérêt derrière cela. Tu verras, ayyuhal ikhwa, tu apercevras, ya Abdallah, dans la terre du rassemblement, fi ard al-mahshar, un homme ayant un grand drapeau. Ce ne sera pas le drapeau de son pays, ce ne sera pas le drapeau de sa patrie, ce ne sera pas le drapeau de sa nation, là, mais ce sera la preuve de sa trahison qu'il a commis dans ce bas monde ad-dunya, comme il a été cité dans le recueil authentique de l'imam muslim. Selon Ibn Omar radiallahu anhuma, al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsqu'Allah rassemblera al-awwalin wal-akhirin, les premiers et les derniers, le jour du jugement, tous ceux qui auront commis une trahison porteront un drapeau. Tous ceux qui auront commis une trahison le jour du jugement porteront un drapeau. Puis on dira: telle est la trahison de Foulan ibn Foulan. Telle est la trahison d'un tel fils d'un tel. Et l'islam a interdit la trahison, ayyuhal muslimoun. Et la trahison est le fait qu'une personne promette quelque chose, mais qu'il ne tienne pas sa promesse. Et la trahison est interdite même avec les mécréants et les kafirines. La religion de l'islam a interdit toute trahison de n'importe quel type. Regardez dans le recueil authentique de l'imam muslim. Selon Abi Saïd ibn Khudri radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: tout traître aura un drapeau attaché à son derrière le jour du jugement. Et dans une autre version, le plus grand traître sera le roi qui aura trahi son peuple. Ainsi, la plus grande trahison, ayyuhal ikhwa, est la trahison d'un homme qui a commandé des gens, mais qui les a trahis, qui a pris la responsabilité de gouverner un peuple, et qui jugea parmi les gens, puis qui les trahit. Celui-ci est le plus grand traître auprès d'Allah, et tabaraka wa ta'ala, un homme commandant des gens, et qui aura pris la responsabilité auprès de ces gens, puis qui les trahit. Et celui-ci sera le plus humilié auprès d'Allah, jalla wa ala, wa fil ard al-mahshar, et dans la terre du rassemblement. Tu apercevras également des personnes portant sur eux, sur leurs épaules, des charges très lourdes. Tu les apercevras portant sur leurs épaules des fardeaux. Et ils s'avanceront et ils chercheront Rasulallah et alayhi salatu wassalam. Ils chercheront le messager d'Allah, tabaraka wa ta'ala. L'un portera un mouton, l'autre portera un chameau, l'autre portera l'argent des musulmans, l'autre portera un butin. Naam. Qui sont ces gens? Ce sont ceux qui se sont appropriés du butin alors qu'ils n'avaient pas le droit. Ceux qui ont volé injustement les biens des musulmans. Ceux qui ont consommé l'argent des musulmans injustement. Ceux qui ont volé des états. Ceux qui ont volé la communauté musulmane. Ceux qui ont trahi la responsabilité. Ils viendront auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Et l'un d'eux dira alors, Ya Rasulallah, Erifni, secours-moi, aide-moi, porte-moi secours. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui répondra, je ne possède rien pouvant te protéger, j'ai certes transmis le message. Je ne possède rien pouvant te protéger, j'ai certes transmis le message. C'est-à-dire que l'avertissement t'est venu. L'avertissement t'est venu. Tu as entendu la preuve. Tu as entendu le discours. Tu as entendu la cassette. Tu as entendu la conférence. Tu as entendu l'exhortation. Tu as été prévenu. Je ne peux pas te protéger. Je ne possède rien pouvant te protéger de la part d'Allah Azza wa Jal. Wa fi ard al-mahshar. Tu apercevras également, ayyuha al-akh, un homme qui aura la gorge très serrée. Tels sont ceux qui ont volé et qui se sont emparés injustement de la terre de leurs voisins. Comme ceci a été cisné dans les deux recueils authentiques. Selon Aïcha radiallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et nous citons le hadith dans son sens, celui qui aura volé un empan d'une terre se fera engloutir le jour du jugement par 70 terres. Et l'imam al-Baghawi nous explique le hadith et nous dit, Allah jalla wa ala le fera engloutir dans la terre, puis on mettra cette distance de la terre sur sa gorge. Et alors sa gorge sera serrée. Tu verras, ya Abdallah, sur la terre du rassemblement, des gens qui auront une langue de feu. Une langue de feu, ayol ikhwa, na'am, l'imam al-Bukhari rapporte. Un hadith qui a été authentifié par Sheikh al-Albani. L'imam al-Bukhari rapporte dans son chapitre al-Adab al-Mufrad. Un hadith authentifié par Sheikh al-Albani selon Ammar ibn Yasar radiallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui a eu deux visages dans ce bas monde aura le jour de la résurrection une langue de feu. Naam, al-munafiq, l'hypocrite qui venait avec un visage chez quelqu'un et qui retourne dans un autre groupe avec un autre visage, le jour de la résurrection il aura une langue de feu et il sera reconnu par tout le monde. Wal-iyadu billah. Tu verras, ya Abdallah, sur la terre du rassemblement, un homme dont le visage fera peur, et wallah, dont le visage sera effrayant, un visage qui n'aura pas de peau, un visage qui sera dépourvu de chair, son allure sera effrayante, et wallah, qui est-ce? Écoute, l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim rapporte un hadith selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'homme ne cessera pas de quémander, c'est-à-dire l'homme ne cessera pas de demander. Certaines personnes, ayol ikhwa, certaines personnes ne cessent de demander de l'argent. Alors qu'elles n'en ont pas besoin, mais elles veulent montrer aux gens qu'elles sont pauvres. Et elles ne font que demander de l'argent, et demander de l'argent, et elles ne cessent de quémander. Cela auront comme récompense le jour du jugement, ce que nous a dit le prophète alayhi salatu wassalam. L'homme ne cessera de quémander auprès des gens, jusqu'à ce qu'il ne vienne le jour de la résurrection, sans aucune chair sur son visage. Et tu verras sur la terre du rassemblement, ya Abdallah, des gens ne pouvant pas tenir debout, des gens ne pouvant pas marcher, des gens titubants, sa moitié sera tordue, qui est-ce? Écoute, l'imam Ahmed ou l'imam al-Tirmidhi nous rapporte un hadith authentique comme nous dit Sheikh al-Albani. Selon Abi Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui a eu deux femmes et qui a penché vers l'une sans être injuste avec l'autre, sans être juste avec l'autre, viendra le jour du jugement avec un corps tordu. Naam, car il faut l'équité, ayol ikhwa. Et l'équité se correspond au fait d'être juste dans l'habitation et dans le salaire, et non dans l'amour, car la personne ne pourra pas le faire. Tu verras dans la terre du rassemblement, ayol ikhwa, un autre homme ayant en sa main, dans sa main, deux grains de blé, deux grains d'orge, dans sa main, et il essaiera de faire un nœud avec ses grains. Mais il ne pourra pas. Naam, on lui aura ordonné, on lui aura donné l'ordre de faire un nœud avec deux grains de blé. Et alors il sera effrayé et inquiet et stressé, car il voudra faire un nœud avec ses deux grains, mais il ne pourra pas. Qui est cette personne, ayol ikhwa? L'imam al-Bukhari rapporte un hadith selon Ibn Abbas radiallahu anhuma. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui a prétendu avoir fait tel ou tel rêve alors que ce n'est pas vrai recevra l'ordre de faire un nœud avec deux grains de blé. Comment peux-tu faire un nœud avec deux grains de blé alors qu'un nœud ne peut se faire qu'avec une ficelle ou qu'avec une corde? Naam, tel est son châtiment psychologique. Telle est la personne qui prétendait avoir fait tel ou tel rêve en montant. Elle prétendait avoir vu quelque chose alors qu'elle n'avait rien vu. Celui-ci aura l'ordre le jour de la résurrection de faire un nœud avec deux grains de blé. Et ainsi une parole à quelques prêcheurs à Allah, qu'Allah les guide. Certains frères ayant ikhwa, ayant une bonne intention, veulent prêcher à Allah et veulent demander et veulent donner des conseils à des gens, mais ils ne sont pas véridiques dans leurs propos. Et ils viennent les voir alors et ils disent, et wallah, ils viennent voir quelqu'un qui ne fait pas la prière et ils lui disent, et wallah, je t'ai vu dans mon rêve dans les pires des conditions. Je t'ai vu te diriger vers l'enfer. Je t'ai vu dans l'agonie de la mort. Je t'ai vu te faire porter vers le cimetière alors que ce n'est pas vrai et il ment. Et il désire faire revenir vers Allah, mais ce n'est pas la bonne voie, ayol ikhwa. Celui qui prétend avoir fait tel ou tel rêve, alors que ce n'est pas vrai, recevra l'ordre de faire un nœud entre deux grains de blé. Et le hadith n'est pas terminé. Hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, rapporté dans le recueil authentique d'Imam al-Bukhari. Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, « Et celui qui écoute des personnes, alors que ces personnes ne le veulent pas, et dans une autre version, alors que ces personnes le fuient, du plomb fondu lui sera déversé dans ses oreilles. Celui qui écoute des personnes, alors qu'elles ne le veulent pas, et dans une autre version, alors qu'elles le fuient, du plomb fondu lui sera déversé dans ses oreilles. Ainsi, celui qui s'assoit, et qui espionne, et qui écoute les gens discrètement, alors que les gens ne le veulent pas, on déversera sur celui-ci du plomb fondu dans ses oreilles, le jour du jugement, wa l'ayyadu billah. Chacun selon ses actions, ayol ikhwa. Tu verras, ya Abdallah, dans la terre du rassemblement, un homme avec une image, ou bien avec une statue, et il soufflera dessus. Il soufflera dessus, na'am. Et il recommencera, désirant donner la vie à cette statue, désirant rendre cette statue ou cette image vivante, na'am. Car il aura reçu l'ordre d'Allah, jalla wa ala, de donner la vie à cette statue. Et qui sont ces gens-là, ayol ikhwa? Tels sont les dessinateurs. Tels sont ceux qui dessinaient dans ce bas monde. Ils auront pour ordre de faire vivre ce qu'ils ont dessiné dans ce bas monde. Et ils ne pourront pas. Et tel est un châtiment psychologique. Tous, ayol ikhwa, ainsi auront leur action. Et tous verront leur secret dévoilé. Chacun en fonction de ses actions. Na'am ayol ikhwa tul kiram. Et même certaines actions qui auront été dénigrées par les gens, ils en seront récompensés. Et la honte leur viendra le jour du jugement. Par exemple, ayol ikhwa, le crachat en direction de la Qibla. Ceci est interdit, comme le rapportent les imams Abu Daoud et Ibn Hibban, avec une chaîne de transmission authentique selon Hudayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, celui qui crache en direction de la Qibla viendra le jour du jugement avec son crachat entre ses deux yeux. Na'am, al-jaza'u min jinsi al-amal. Et dans Sahih al-Jami' selon Ibn Umar radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, si le crachat est en direction de la Qibla, il reviendra le jour du jugement sur le visage du cracheur. Chacun selon ses actions. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Et nous les rassemblerons sans en omettre un seul. C'est comme cela, ayol ikhwa, que tout le monde sera devant Allah et Azza wa Jal, dans l'attente d'être jugé. Ils attendront ainsi 40 années. Dans l'attente du jugement, Al-Hisab, préoccupés, effrayés, inquiets, stressés, dans l'attente d'être jugés afin que leur Seigneur les juge. Ils seront plongés alors dans des souffrances et dans des douleurs, les souffrances du jour de la résurrection, des souffrances et une situation très difficile et très dure. Ils resteront alors dans cet état 40 années, avec le compte d'Allah, Jalla wa Ala, excepté Al-Muttaqoun, excepté les pieux. Et là, il est bon alors de se demander et de se dire, y a-t-il alors des actions qui nous sauveront des difficultés du jour de la résurrection? Y a-t-il des actions qui nous épargneront de ces douleurs et de ces souffrances? Et la réponse, ayol ikhwatul kiram, sera bi'idnillahi azza wa jal lors de notre prochain discours, si Allah jalla wa ala nous le permet. Fa'as'alullaha jalla wa ala, je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, par ses noms parfaits, ses attributs sublimes, qu'il nous sauve et qu'il nous protège des supplices et des châtiments et des douleurs et des souffrances du jour du jugement. إنه ولي ذلك والقادر عليه. Lui seul en a la capacité, le pouvoir. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. Et je demande à Allah Jalla wa Ala, بأسمائه الحسنى وصفاته العلى, أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل. وأسأله جل وعلا أن يصلي ويسلم على الحبيب المصطفى. Je lui demande d'évoquer en bien dans les grandes assemblées et de préserver de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà,